Dans le poulailler, y a des poules, poules, poules qui pondent des œufs, on dirait des boules. Elles mangent des graines et tout le temps elles fouillent, fouillent. Dans le poulailler, y a des poules. Dans la porcherie, y a des cochons, cochons, cochons, des cochons bien gras avec le nez rond. Queue en tire-bouchon et tout le temps grognon, grognon. Dans la porcherie, il y a des cochons. Dans une étable, il y a des vaches, vaches, vaches, brunes et blanches et brunes avec plein de taches. Elles donnent du bon lait et tout le temps elles mâchent, mâchent. Dans une étable, il y a des vaches.